Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le monde de Stefan Zweig. Il est viennois de naissance, bien sûr, mais il se présentait d'abord et avant tout comme un Européen. C'était un homme ouvert sur l'Europe, c'est un homme qui craignait beaucoup le nationalisme un peu buté qui commençait à régner un peu partout en Europe centrale, et c'est la raison pour laquelle cette merveilleuse autobiographie qui a pour titre « Le monde d'hier » est bien sous-titrée, oui, « Souvenir d'un Européen ». Le chroniqueur Stéphane Lépine à l'émission Multimédia en septembre 2000, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen, est très probablement le livre le plus connu de Stefan Zweig, bien plus qu'une simple autobiographie. Ce livre reste d'abord le formidable témoignage de Zweig sur cette Europe du début du 20e siècle qu'il a tant aimée, cet âge d'or de la grande culture occidentale, en plus d'être aussi ce livre, le récit de la chute d'une civilisation emportée par la folie destructrice qui va plonger l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. Blauen Adern aus Eisen durchrinnen die Welt ein rauschendes Netz. Herz, ring mit ihnen, raff auf, dich zu reißen. Im Flug nur entfließt du Gewalt und Gesetz. Or, en 1934, quand ça commence à aller mal, là, je dis 1934 parce que pour lui, là, les choses se sont vraiment déréglées, mais il faut pas oublier qu'avant, il y a eu la Première Guerre mondiale. Il est rentré, lui, dans un enfer, dans l'enfer du 20e siècle, là, l'horreur de la Première Guerre, l'horreur de la Deuxième Guerre. Là, on brûle les livres à Berlin, on l'interdit d'écrire en allemand. Il est écrivain juif, il ne peut plus vivre où il vit. Il s'en va, et à partir de ce moment-là, cet édifice-là qu'il a construit, c'est-à-dire ce fort intérieur dans les deux sens du mot, là, F-O-R-T et F-O-R, va, n'a plus de raison d'être. Et c'est l'écroulement d'un monde que Stefan Zweig, et c'est pour ça que ce suicide-là, il s'explique en grande partie, comme l'explique Dominique Bonnat, par ça, parce qu'il est dans un monde qui a été le sien, dans lequel il a cru, qui a été son credo, mais qui là n'existe plus, et il n'a plus de place dans ce monde-là. Tout ce qu'il peut faire, c'est se suicider. Et on voit que ce parcours-là est un parcours, c'est terrible, parce que il faut comprendre que Stefan Zweig est un écrivain adoré. C'est quelqu'un qui a vendu des milliers de livres. Entre les deux guerres, entre 1914, enfin, la fin de la Première Guerre mondiale et le début de la Deuxième, le gros de son œuvre s'est écrit là, et il était l'écrivain le plus populaire. Et le chroniqueur Jean Fugère, au moment de la publication de la biographie de Stefan Zweig, L'ami blessé, de Dominique Bonnat, l'émission Sous la couverture en 1996, et juste avant, au tout début de l'extrait, vous entendiez brièvement Stefan Zweig lui-même lire un extrait de son poème « Ode au voyage » à la radio en 1933. Pour nous présenter le parcours et l'œuvre de Stefan Zweig, je reçois l'auteur Laurent Seksik, qui a publié la biographie romancée « Les derniers jours » de Stefan Zweig en 2010 et qui a choisi et commenté les textes d'une édition illustrée du « Monde d'hier » de Stefan Zweig, publiée en 2016. Laurent Seksik est dans nos studios de Paris. Laurent Seksik, bonjour. Bonjour. Il fait vraiment partie de votre vie, Stefan Zweig. Vous êtes beaucoup intéressé à lui, vous avez écrit sur lui. Pourquoi? D'où vous vient cette fascination pour lui? Alors je crois qu'elle fait partie de la vie de nombreux Français, Européens, et j'imagine que chez vous c'est aussi la même passion, même s'il a eu du mal à traverser l'Atlantique, du moins sa popularité, mais elle est immense en Europe, elle est immense en France, je crois que c'est ici qu'il est encore le plus lu. Ma passion, c'est comme toutes les passions, elle revient à une passion de jeunesse. Ouais. C'est alors que j'avais 20 ans, que j'étais étudiant en médecine, qu'une jeune femme qui s'appelait Magali Weg, Weg c'est le chemin en allemand, m'avait offert un livre, alors que je ne connaissais absolument pas Stefan Zweig, nous étions au début des années 80, et ce livre c'était Le Monde d'hier. Elle savait que je voulais devenir écrivain, et elle m'a tendu ce livre en me disant « Tiens, toi qui veux écrire, lis cela sera un modèle ». Et aussitôt après avoir ouvert le livre, c'est devenu plus qu'un modèle, c'est devenu un maître, c'est devenu une sorte d'oncle, c'est devenu un oracle, c'est devenu à l'époque, en tout cas, l'écrivain qui me parlait le mieux, ouais. et qui racontait le mieux le monde. Et qui nous a plus quittés, finalement. et qui ne m'a plus quitté, puisque jusqu'à 35 ans après, il y a deux ans, j'ai monté sur scène Ce monde d'hier au Théâtre des Mathurins, et cette pièce tourne encore, cette adaptation de ce livre phare, oui, dont nous reparlerons, je crois, tourne encore en France. Et puis il y a eu ce livre, Le monde d'hier, commenté, que j'ai eu la chance de pouvoir illustrer et commenter, oui, parce que ce livre est une mine d'or, donc, est une mine d'informations. Encore beaucoup d'intérêt, donc, pour Stéphane Zweig, pour Le monde d'hier, bien sûr, pour d'autres œuvres qui lui appartiennent également. Il était, vous le disiez, il était très lu de son vivant, mais il est aujourd'hui encore très lu. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste pertinent et actuel chez Stéphane Zweig? Alors, il y a deux choses. Il y a cette dualité, d'ailleurs, qui appartient à Stéphane Zweig et qui est assez unique pour un auteur. C'est qu'il y a les nouvelles, ces courts romans qu'il a écrits et qui sont sublimes. Et il y a les biographies et le monde d'hier. Et les unes parlent au cœur. Les nouvelles, ce sont des nouvelles exceptionnelles dont nous reparlerons, le 24 heures de la vie d'une femme, Lettre à une inconnue, qui sont des livres où souvent il se glisse d'ailleurs dans la peau d'une femme, et il le fait comme nul autre romancier, ou peut-être comme Maupassant ou comme Flaubert. Oui. Et puis il y a ses biographies, Marie-Antoinette, Marie Stuart et Le monde d'hier, qui est à la fois une autobiographie et une biographie de l'Europe, oui, qui parle cette fois-ci à l'intelligence, qui parle à la raison et qui traite, comme l'a si justement dit le chroniqueur que dont vous avez repassé l'extrait, de l'ascension, de l'illumination et de l'écroulement d'un monde. Donc c'est à la fois un auteur qui parle au cœur et qui parle à la raison. Et en cela, il est précieux et en cela, il est énormément lu, ouais, notamment en France. Il y a une spécificité toute française. En Angleterre, on le regarde avec un peu de condescendance. En Allemagne, il n'a pas retrouvé, pour diverses raisons, l'attrait qu'il avait avant 1933. Mm-hmm. Mais en France, en Italie aussi, en tout cas en France, il y a cette passion française assez unique pour les livres et pour la personnalité de Stéphane Zweig. Et dans Ce monde d'hier, évidemment, c'est une époque qu'il décrit, c'est la fin d'un monde, mais puis on écoute un extrait tout de suite du début de cette œuvre, mais vous allez comprendre, ça, et on en reparle dans un instant avec vous, Laurent Sexic, ça a encore aujourd'hui une très forte résonance. Si je cherche une formule commode qui résume l'époque antérieure à la Première Guerre mondiale, dans laquelle j'ai été élevé, j'espère avoir trouvé la plus expressive en disant « C'était l'âge d'or de la sécurité. » Tout dans notre monarchie autrichienne, presque millénaire, semblait fondé sur la durée, et l'État lui-même paraissait le suprême garant de cette pérennité. Tout dans ce vaste empire demeurait stable et inébranlable. À sa place et à la plus élevée, l'empereur, un vieillard. Mais s'il venait à mourir, on savait, ou on pensait, qu'un autre lui succéderait et que rien ne changerait dans cet ordre bien calculé. Personne ne croyait à des guerres, à des révolutions et à des bouleversements. Tout événement extrême, toute violence, paraissait presque impossible dans une ère de raison. Ce sentiment de sécurité était le trésor de millions d'êtres, leur idéal de vie commun, le plus digne d'effort. Mais nous avons dû donner raison à Freud quand il ne voyait dans notre culture qu'une mince couche que peuvent crever à chaque instant les forces destructrices du monde souterrain. Nous avons dû nous habituer peu à peu à vivre sans terre ferme sous nos pieds, sans droit, sans liberté, sans sécurité. Maintenant que le grand orage l'a depuis longtemps fracassé, nous savons de science certaine que ce monde de la sécurité n'était qu'un château de nuée. Le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Vous venez d'entendre un extrait lu par le comédien Vincent Davie à l'émission Multimédia en septembre 2000. Le monde d'hier est publié en 1944, après la mort de Stéphane Zweig. Ça reste, Laurent Sexic, son livre le plus connu, le plus important. Pourquoi, justement, ce livre-là est-il si important? C'est un livre majeur parce que, comme on l'a entendu en quelques lignes, des lignes qui, admirablement lues d'ailleurs, et qui résument et qui éclairent de façon lumineuse ce qu'est la vie en réalité. au-delà de ce qu'est l'Europe, de ce qu'a pu être l'Europe, c'est-à-dire un monde exceptionnel, le monde des Lumières, cette Vienne 1900 qui a accouché des principaux écrivains majeurs de ce temps, des peintres, des musiciens. On entendait en toile de fond, il me semble que c'était Gustav Mahler, et ses tonalités d'ailleurs de la musique de Mort à Venise, écrite par Thomas Mann. Il y a là, dans cette, d'abord, cette lumière qu'il incarnait, c'est-à-dire ce temps de la paix et de la sécurité. Ce temps qui est un peu, d'une certaine manière, le nôtre, ou en tout cas qui a pu être le nôtre. Ouais. Et donc on résonne avec ce monde-là. Et puis, il y a aussi, dans la deuxième partie du livre, mais là c'est la préface qu'on nous a lue et c'est l'annonce de ces temps sombres, de ces temps crépusculaires, de ces temps terribles, où le monde a basculé en 1933. Et donc c'est un résumé, c'est un condensé magnifique de ce qu'a été le siècle de l'Europe et le siècle du monde, oui, finalement, avec cette brisure. En réalité, ces deux cassures, 1914, ce monde qui s'effondre une première fois, et puis 1933, ce monde qui, aux yeux de Zweig, s'effondre définitivement. Oui. Ce qui le conduira, puis on y reviendra, au suicide, mais c'est un homme qui se désespère de son temps et de son époque et qui a la nostalgie probablement de cette... Il y a l'Europe, bien sûr, il y a aussi cet empire. Vous l'avez évoqué, la fin de la Première Guerre mondiale, pour le Viennois qu'il est, c'est la fin vraiment d'un monde, c'est la fin presque d'une civilisation à laquelle il appartient. Juste un mot, parce qu'il en parle beaucoup de ça au début du monde d'hier, de cette société viennoise à laquelle il appartient, de la place qu'il occupe dans cette société. Là. C'est un, il occupe assez rapidement, finalement, dès l'âge de ses 25 ans, puis 30 ans, une place prépondérante. Ses écrits commencent à être énormément lus, à être publiés et énormément lus, énormément traduits. Et très rapidement, finalement, dès 1910, il va être un écrivain extrêmement connu dans cette Vienne, qui est en réalité un petit village à l'échelle de l'Europe, mais qui a donné la naissance de la psychanalyse et qui a donné, comme je l'ai dit, Gustav Mahler et Gustav Klimt, et puis Rainer Maria Rilke et encore tant d'autres auteurs. Donc c'est un... Il vit dans ce petit village où émerge une forme de nouvelle bourgeoisie et il va en être en quelque sorte l'emblème, d'abord en 1910 et puis surtout... dès les années, le début des années 20, avec son œuvre, ses œuvres majeures qu'il publie alors. Ouais, et à ce moment-là, il est très lu, c'est une célébrité. Parlez-moi un petit peu, il écrit, vous en avez parlé, des biographies, des nouvelles. Comment résumer, comment décrire son œuvre? Son œuvre est à la fois protéiforme, extrêmement riche, extrêmement éclectique. Donc, il est connu d'abord pour ses nouvelles. C'est un artiste de la nouvelle, c'est le mot passant autrichien. Il écrit avec une forme de finesse, de psychologie des personnages. Il sait comme personne se mettre dans la peau de ses héroïnes. Et moi, je recommande, il y avait deux ou trois nouvelles à lire pour vos auditeurs. 24 heures de la vie d'une femme, qui est un livre bouleversant, et Lettres d'une inconnue, qui sont deux appels à l'aide de femmes confrontées au désespoir et à l'impossibilité de l'amour. Ouais. Il y a donc cette finesse, cette approche psychologique si particulière qu'il a. Et puis, à côté de cela, de façon complètement différente, d'ailleurs avec un style même différent, plus lyrique, plus emphatique, il y a ses biographies. Mm-hmm. Il y a la biographie de Fouché, il y a la biographie de Marie-Antoinette, de Magellan, qui sont, si vous voulez, des sommes de connaissances et mises en perspective avec une langue très belle. Et je mets à part là le monde d'hier, qui est un livre véritablement à part. Ouais. Si vous voulez, ces deux formes d'écriture font de lui un maître dans deux formes où il excelle, la nouvelle, ce court roman, ouais, et puis la biographie. Et c'est l'auteur le plus traduit de son temps. Il est traduit dans toutes les langues. C'est l'auteur le plus lu de son temps, le plus aimé de son temps. Mais avec la montée du nazisme, il va devoir quitter ce monde qu'il aime tant. L'antisémitisme a contaminé les universités. Le nazisme a perverti les esprits contre la culture moderne. Imposer une idéologie sectaire et intolérante, qui va amener les étudiants à brûler eux-mêmes des livres. Aidé par les écoliers et encadré par les SA, il rassemble, dans toute l'Allemagne, les ouvrages des bibliothèques, des librairies, des éditeurs qui correspondent à ce qu'Hitler appelle l'esprit non-allemand. Sur la liste noire nazie, Karl Marx, Sigmund Freud, Stefan Zweig, plus de 300 auteurs, surtout juifs ou communistes. 12 000 titres sont condamnés. Des centaines de milliers de livres doivent être brûlés. Et les SA préparent les bûchers. Extrait de la série Apocalypse, plus précisément l'épisode consacré à Hitler. Alors, avec cette montée du nazisme, Laurent Sexic, Stefan Zweig décide, entre guillemets, doit quitter l'Autriche au début des années 30. On ne l'a pas encore dit, on parle d'antisémitisme, la montée de l'antisémitisme dans cet extrait. Il est juif également, Stefan Zweig. Parlez-moi de cet exil. D'abord, pourquoi quitte-t-il l'Autriche et comment va-t-il vivre cet exil? Il pressent très vite la menace, et alors qu'il est autrichien, donc Hitler arrive au pouvoir le 31 janvier 1933, signalons que l'autodafé, dont vous avez si bien parlé, c'est déjà en mai, c'est-à-dire que 4 mois après avoir pris le pouvoir, Hitler fait brûler des dizaines de milliers, des centaines de milliers de livres sur toutes les places d'Allemagne, par les étudiants, vous l'avez lu, mais aussi par les cortèges de professeurs d'université. Ouais. Il voit ce spectacle-là et il sait que le monde a changé et il sait qu'il n'y a plus sa place dans le monde, dans ce monde-là. Il va fuir, il va devoir s'exiler, ce n'est pas une fuite en réalité. Il pressent qu'il va être menacé, et il l'a été d'ailleurs physiquement, et comme un certain nombre d'intellectuels juifs, d'écrivains juifs, et puis d'une population qui va se sentir totalement oppressée et qui va pressentir aussi l'anéantissement à venir quelques années plus tard, il va quitter l'Autriche, d'abord pour la France et l'Angleterre, ouais. Et puis, assez rapidement, alors que la guerre est déclenchée, en 1939, il va partir pour le nouveau continent. Ouais. Et pour finir sa vie, au fond, au Brésil, où il va s'établir, c'est une période très sombre qui vous a fasciné. Vous avez écrit sur cette période, les derniers mois de sa vie. Vous avez écrit un roman qui a été transposé au théâtre, Les derniers jours de Stefan Zweig, dont on écoute un extrait de la production qui a été présentée au Théâtre du Chêne Noir à Paris en 2013. Vous allez entendre dans cet extrait les comédiens Patrick Timsit et Elsa Zilberstein. J'ai en tête un roman, une sorte de fresque. C'est l'histoire d'une femme. Ah, une femme ? Clarissa. Elle me ressemble ? Tout l'inverse de toi. Elle vit dans le mensonge, elle laisse son enfant se croire le fils d'un autre. Ah oui, effectivement, c'est tout l'inverse de moi. Et puis elle a un enfant, elle. Tu ne vas pas revenir là-dessus ? Comment ça, là-dessus ? Tu voudrais un enfant à notre époque ? J'ai pas d'autre époque, moi. Un enfant aujourd'hui ? Oui. Oui, je porterai le fils de Stefan Zweig. Tu me supportes déjà. Mais je pourrais porter 2 Zweig, même 3. Je ne suis pas la bonne personne. Mais vous êtes le meilleur des hommes. Un père regarde vers l'avenir. Mais l'enfant verra par mes yeux. Donnez le jour au milieu des ténèbres. Vous mentez. Vous cherchez des excuses. Extrait de votre pièce, Laurent Sexic, Les derniers jours de Stefan Zweig. Il se suicide donc le 22 février 1942, Stefan Zweig. Dans quel état d'esprit vous avez décidé dans cette pièce, dans ce roman qui est devenu une pièce, de parler de ces derniers mois de sa vie? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette période-là? On a une petite idée déjà en entendant cet extrait, mais dans quel état d'esprit il est à ce moment-là, Stefan Zweig? C'est un être qui a tout perdu. Les siens ont été exterminés, ou sont en prison, ou sont dans des camps. Il a marché d'exil en exil. Il n'a pas pu s'établir aux États-Unis parce qu'il n'avait plus de visa. Même un tel homme n'avait qu'un visa provisoire, et son visa provisoire s'est achevé. Donc il a trouvé refuge au Brésil. Il est convaincu que les nazis vont gagner. Il y a des éléments qui lui permettent de dire cela. Singapour, la ville de Singapour, va tomber aux mains des Japonais. Et à l'époque, c'est un ébranlement total. Ça signe la jonction entre les Japonais et les Allemands, et ça signe la victoire des forces à la fois nazies et à la fois japonaises. Donc, à partir de cet instant-là, il va réellement penser, et il avait encore une fois des raisons de le croire, que les troupes allemandes vont gagner la guerre. Cela signifie pour lui la véritable fin du monde. C'est un être atteint, c'est un être désespéré, c'est un être qui a perdu sa famille, c'est un être qui a perdu ses amis. Il y a des suicides, pour moins que cela, pourrais-je dire, pas cyniquement, mais pour essayer d'éclairer, c'est un homme au bout du monde, c'est un homme en quelque sorte au bout du rouleau, c'est un homme qui a accompli son œuvre, c'est un homme qui a dépassé les 60 ans, qui a tout eu et à qui on a tout repris, et qui choisit, tragiquement, de ne plus voir l'avenir, tant il imagine cet avenir sombre. Mais qu'est-ce qui appartient à l'état du monde dans ce qu'il pousse au suicide, ou à des motifs, à une pulsion plus intime, plus personnelle? C'est toujours compliqué, évidemment, le suicide, mais je vous pose la question autrement. Ouais. S'il avait pressenti qu'Hitler perde la guerre, Stefan Zweig serait-il mort? Non, sans doute pas, évidemment. Donc c'est pas mal de répondre, mais c'est à la fois, vous savez, les écrivains sont jamais de joyeux drilles. Il a un fond mélancolique, bien entendu. Il a un fond désespéré, mais il a toutes les raisons ce début d'année 1942, où la Shoah d'ailleurs commence ses ravages, où l'on a commencé à exterminer les Juifs allemands, et de désespérer totalement et de ne plus voir la moindre lueur d'espoir, et finalement de mettre tout son espoir et toute sa vision du monde dans un livre qui est Le Monde d'hier. Ouais. Il en reste quoi de cette figure? Bien sûr, un intérêt certain, vos romans, vos pièces, vos écrits le montrent bien, ses écrits à lui aussi, mais qu'est-ce qui reste de cette figure aujourd'hui, Laurent Seksik? Curieusement, il reste une note d'espoir. Il reste une note d'espoir parce que son œuvre est immense et qu'elle est lumineuse. Et c'est cette lumière que porte son œuvre qui finalement donne tout l'attachement que l'on peut avoir pour ce personnage unique, pour cet écrivain unique et pour cet homme unique sans doute. Laurent Seksik, auteur du livre « Les derniers jours de Stefan Zweig », responsable, je le rappelle, du choix des textes et des commentaires contenus dans l'édition illustrée du Monde d'hier. Merci infiniment d'être passé nous voir dans nos studios de Paris. Merci. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Martin Lavoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Thank you.